curiosité, Boinet. Sarrazine d'Honoré de Balzac. Lu par Alain Bernard. Illustration musicale Claudio Monteverdi. Lamento de la Ninfa. Sens News Open. À Monsieur Charles de Bernard du Grail. J'étais plongé dans une de ces rêveries profondes qui saisissent tout le monde, même un homme frivole, au sein des fêtes les plus tumultueuses. Minuit venait de sonner à l'horloge de l'Élysée Bourbon. Assis dans l'embrasure d'une fenêtre et caché sous les plis onduleux d'un rideau de moire, je pouvais contempler à mon aise le jardin de l'hôtel où je passais la soirée. Les arbres, imparfaitement couverts de neige, se détachaient faiblement du fond grisâtre que formait un ciel nuageux, à peine blanchi par la lune. Vus au sein de cette atmosphère fantastique, ils ressemblaient vaguement à des spectres mal enveloppés de leurs linceuls, images gigantesques de la farineuse danse des morts. Puis, en me retournant de l'autre côté, je pouvais admirer la danse des vivants. Un salon splendide, aux parois d'argent et d'or, aux lustres étincelants, brillants de bougies. Là, fourmillaient, s'agitaient, papillonnaient les plus jolies femmes de Paris, les plus riches, les mieux titrées, éclatantes, pompeuses, éblouissantes de diamants, des fleurs sur la tête, sur le sein, dans les cheveux, semées sur les robes ou en guirlandes à leurs pieds. C'était de légers frémissements de joie, des pas voluptueux qui faisaient rouler des dentelles, les blondes, la mousseline de leurs flancs délicats. Quelques regards trop vifs, percés çà et là, éclipsaient les lumières, le feu des diamants animait encore des cœurs trop ardents. On surprenait aussi des airs de tête significatifs pour les amants et des attitudes négatives pour les maris. Les éclats de voix des joueurs, à chaque coup imprévu, le retentissement de l'or se mêlait à la musique, au murmure des conversations. Pour achever d'étourdir cette foule enivrée par tout ce que le monde peut offrir de séduction, une vapeur de parfum et l'ivresse générale agissait sur les imaginations affolées. Ainsi, à ma droite, la sombre et silencieuse image de la mort. À ma gauche, les descentes bacchanales de la vie. Ici, la nature froide, morne, en deuil. Là, les hommes en joie. Moi, sur la frontière de ces deux tableaux, si disparates, qui, mille fois répétés de diverses manières, rendent Paris la ville la plus amusante du monde et la plus philosophique, je faisais une Macédoine morale, moitié plaisante, moitié funèbre. Du pied gauche, je marquais la mesure, et je croyais avoir l'autre dans un cercueil. Ma jambe était en effet glacée par un de ces vents coulis qui vous gèle une moitié du corps, tandis que l'autre éprouve la chaleur moite des salons, accident assez fréquent au bal. Il n'y a pas fort longtemps que M. de Lanty possède cet hôtel. Si fait, voici bientôt 10 ans que le maréchal de Carigliano le lui a vendu. Ah, ces gens-là doivent avoir une immense fortune. Mais il le faut bien. Quelle fête! Elle est d'un luxe insolent. Les croyez-vous aussi riches que le sont M. de Nucingen ou M. de Gondreville? Mais vous ne savez donc pas? J'avançai la tête et reconnus les deux interlocuteurs pour appartenir à cette gent curieuse qui, à Paris, s'occupe exclusivement des pourquoi, des comment, d'où vient-il, qui sont-ils, qui a-t-il, qu'a-t-elle fait? Ils se mirent à parler bas et s'éloignèrent pour aller causer plus à l'aise sur quelques canapés solitaires. Jamais mine plus féconde ne s'était ouverte aux chercheurs de mystères. Personne ne savait de quel pays venait la famille de Lanty, ni de quel commerce, de quelle spoliation, de quelle piraterie ou de quel héritage provenait une fortune estimée à plusieurs millions. Tous les membres de cette famille parlaient l'italien, le français, l'espagnol, l'anglais et l'allemand, avec assez de perfection pour faire supposer qu'ils avaient longtemps séjourné parmi ces différents peuples. Était-ce des bohémiens? Était-ce des flibustiers? Quand ce serait le diable, disaient de jeunes politiques. Ils reçoivent à merveille. Le comte de Lanty eût-il dévalisé quelques cassobas? J'épouserais bien sa fille, s'écriait un philosophe. Qui n'aurait épousé Marianina, jeune fille de 16 ans, dont la beauté réalisait les fabuleuses conceptions des poètes orientaux, comme la fille du sultan dans « Conte de la lampe merveilleuse ». Elle aurait dû rester voilée. Son chant faisait pâlir les talents incomplets des Malibran, des Sontag, des Fodor, chez lesquels une qualité dominante a toujours exclu la perfection de l'ensemble. Tandis que Maria Nina savait unir au même degré la pureté du son, la sensibilité, la justesse du mouvement et des intonations, l'âme et la science, la correction et le sentiment. Cette fille était le type de cette poésie secrète, lien commun de tous les arts, et qui fuit toujours ceux qui la cherchent. Douce et modeste, instruite et spirituelle, rien ne pouvait éclipser Maria Nina, si ce n'était sa mère. Avez-vous jamais rencontré de ces femmes dont la beauté foudroyante défie les atteintes de l'âge et qui semblent à 36 ans plus désirables qu'elles ne devaient l'être 15 ans plus tôt? Leur visage est une âme passionnée, il étincelle. Chaque trait y brille d'intelligence, chaque porte possède un éclat particulier, surtout aux lumières. Leurs yeux séduisants attirent, refusent, parlent ou se taisent. Leur démarche est innocemment savante. Leur voix déploie les mélodieuses richesses des tons les plus coquettement doux et tendres. Fondées sur des comparaisons, leurs éloges caressent l'amour-propre le plus chatouilleux. Un mouvement de leurs sourcils, le moindre jeu de l'œil, leurs lèvres qui se froncent, impriment une sorte de terreur à ceux qui font dépendre d'elles leur vie et leur bonheur. Inexpérimentée de l'amour et docile au discours, une jeune fille peut se laisser séduire. Mais pour ces sortes de femmes, un homme doit savoir, comme M. de Jaucourt, ne pas crier quand, en se cachant au fond de cabinet, la femme de chambre lui brise deux doigts dans la jointure d'une porte. Aimer ces puissantes sirènes, n'est-ce pas jouer sa vie? Et voilà pourquoi peut-être les aimons-nous si passionnément. Telle était la comtesse de Lancy. Filippo, frère de Maria Nina, tenait, comme sa sœur, de la beauté merveilleuse de la comtesse. Pour te dire en un mot, ce jeune homme était une image vivante de l'Antinous, avec des formes plus grêles. Mais comme ses maigres et délicates proportions s'allient bien à la jeunesse, quand un teint olivâtre, des sourcils vigoureux et le feu d'un œil velouté promettent pour l'avenir des passions mâles, des idées généreuses. Si Filippo restait dans tous les cœurs des jeunes filles comme un type, il demeurait également, dans le souvenir de toutes les mères, comme le meilleur parti de France. La beauté, la fortune, l'esprit, les grâces de ses deux enfants venaient uniquement de leur mère. Le comte de Lancy était petit, laid et grêlé, sombre comme un espagnol, ennuyeux comme un banquier. Il passait d'ailleurs pour un profond politique, peut-être parce qu'il riait rarement, et citait toujours M. de Metternich ou Wellington. Cette mystérieuse famille avait tout l'attrait d'un poème de Lord Byron, dont les difficultés étaient traduites d'une manière différente par chaque personne du beau monde. Un chant obscur et sublime de strophe en strophe. La réserve que M. et Mme de Lancy gardaient sur leur origine, sur leur existence passée et sur leur relation avec les quatre parties du monde n'eût pas été longtemps un sujet d'étonnement à Paris. En nul pays, peut-être l'axiome de Vespasien n'est mieux compris. Là, les écus même, tachés de sang ou de boue, ne trahissent rien et représentent tout. Pourvu que la haute société sache le chiffre de votre fortune, vous êtes classé parmi les sommes qui vous sont égales et personne ne vous demande à voir vos parchemins parce que tout le monde sait combien peu ils coûtent. Dans une ville où les problèmes sociaux se résolvent par des équations algébriques, les aventuriers ont en leur faveur d'excellentes chances. En supposant que cette famille eût été bohémienne d'origine, elle était si riche, si attrayante, que la haute société pouvait bien lui pardonner ses petits mystères. Mais, par malheur, l'histoire énigmatique de la maison Lancy offrait un perpétuel intérêt de curiosité assez semblable à celui des romans d'Anne Radcliffe. Les observateurs, ces gens qui tiennent à savoir dans quel magasin vous achetez vos candélabres, ou qui vous demandent le prix du loyer quand votre appartement leur semble beau, avaient remarqué de loin en loin, au milieu des fêtes, des concerts, des bals, des raouts donnés par la comtesse, l'apparition d'un personnage étrange. C'était un homme. La première fois qu'il se montra dans l'hôtel, ce fut pendant un concert où il semblait avoir été attiré vers le salon par la voix enchanteresse de Maria Nina. « Depuis un moment, j'ai froid, » dit à sa voisine une dame placée près de la porte. L'inconnu qui se trouvait près de cette femme s'en alla. « Voilà qui est singulier. J'ai chaud, dit cette femme, après le départ de l'étranger. Et vous me taxerez peut-être de folie, mais je ne saurais m'empêcher de penser que mon voisin, ce monsieur vêtu de noir qui vient de partir, causait ce froid. Bientôt, l'exagération naturelle aux gens de la haute société fit naître et accumuler les idées les plus plaisantes, les expressions les plus bizarres, les contes les plus ridicules sur ce personnage mystérieux. Sans être précisément un vampire, une goule, un homme artificiel, une espèce de Faust ou de Robin des Bois, il participait au dire des gens, amis du fantastique, de toutes ces natures anthropomorphes. Il se rencontrait çà et là des Allemands qui prenaient pour des réalités ces railleries ingénieuses de la médisance parisienne. L'étranger était simplement un vieillard. Plusieurs de ces jeunes hommes, habitués à décider tous les matins l'avenir de l'Europe, dans quelques phrases élégantes, voulaient voir en l'inconnu quelques grands criminels possesseurs d'immenses richesses. Des romanciers racontaient la vie de ce vieillard et vous donnaient des détails véritablement curieux sur les atrocités commises par lui pendant le temps qu'il était au service du prince de Mysore. Des banquiers, gens plus positifs, établissaient une fable spécieuse. « Bah, disait-il en haussant leurs larges épaules par un mouvement de pitié, ce petit vieux est une tête génoise. Monsieur, si ce n'est pas une indiscrétion, pourriez-vous avoir la bonté de m'expliquer ce que vous entendez par une tête génoise ? Monsieur, c'est un homme sur la vie duquel reposent d'énormes capitaux, et de sa bonne santé dépendent sans doute les revenus de cette famille. » Je me souviens d'avoir entendu chez Madame d'Espard un magnétiseur prouvant, par des considérations historiques très spécieuses, que ce vieillard, mis sous verre, était le fameux Balsamo, dit Cagliostro. Selon ce moderne alchimiste, l'aventurier sicilien avait échappé à la mort et s'amusait à faire de l'or pour ses petits-enfants. Enfin, le bailli de Ferrette prétendait d'avoir reconnu, dans ce singulier personnage, le comte de Saint-Germain. « Ces niaiseries, dites avec le ton spirituel, avec l'air railleur qui, de nos jours, caractérise une société sans croyance, entretenaient de vagues soupçons sur la maison de Lanty. Enfin, par un singulier concours de circonstances, les membres de cette famille justifiaient les conjectures du monde en tenant une conduite assez mystérieuse avec ce vieillard dont la vie était en quelque sorte dérobée à toutes les investigations. Ce personnage franchissait-il le seuil de l'appartement qu'il était censé occuper à l'hôtel de Lanty? Son apparition causait toujours une grande sensation dans la famille. On eût dit un événement de haute importance. Philippot, Marianina, Madame de Lanty et un vieux domestique avaient seuls le privilège d'aider l'inconnu à marcher, à se lever, à s'asseoir. Chacun en surveillait les moindres mouvements. Il semblait que ce fût une personne enchantée de qui dépendissent le bonheur, la vie ou la fortune de tous. Était-ce crainte ou affection? Les gens du monde ne pouvaient découvrir aucune induction qui les aidât à résoudre ce problème. Caché pendant des mois entiers au fond d'un sanctuaire inconnu, ce génie familier en sortait tout à coup, comme furtivement, sans être attendu, et apparaissait au milieu des salons comme ces fées d'autrefois qui descendaient de leurs dragons volants pour venir troubler les solennités auxquelles elles n'avaient pas été conviées. Les observateurs les plus exercés pouvaient alors seuls deviner l'inquiétude des maîtres du logis, qui savaient dissimuler leurs sentiments avec une singulière habileté. Mais parfois, tout en dansant dans un quadrille, la trop naïve Marianina jetait un regard de terreur sur le vieillard qu'elle surveillait au sein des groupes. Ou bien Philippot s'élançait, en se glissant à travers la foule, pour le joindre et restait auprès de lui, tendre et attentif, comme si le contact des hommes ou le moindre souffle dût briser cette créature bizarre. La comtesse tâchait de s'en approcher, sans paraître avoir eu l'intention de le rejoindre, puis, en prenant des manières et une physionomie autant empreinte de servilité que de tendresse, de soumission que de despotisme. Elle disait deux ou trois mots qu'elle déférait presque toujours le vieillard. et disparaissait, emmené, ou pour mieux dire, emporté par elle. Si Madame de Lanty n'était pas là, le comte employait 1000 stratagèmes pour arriver à lui, mais il avait l'air de s'en faire écouter difficilement, et le traitait comme un enfant gâté dont la mère écoute les caprices ou redoute la mutinerie. Quelques indiscrets s'étant hasardés à questionner tourdiment le comte de Lanty, cet homme froid et réservé n'avait jamais paru comprendre l'interrogation des curieux. Aussi, après bien des tentatives que la circonspection de tous les membres de cette famille rendit vaine, personne ne chercha-t-il à découvrir un secret si bien gardé. Les espions de bonne compagnie, les gommes-mouches et les politiques avaient fini, de guerlas, par ne plus s'occuper de ce mystère. Mais en ce moment, il y avait peut-être au sein de ces salons resplendissants des philosophes qui, tout en prenant une glace, un sorbet ou en posant sur une console leur verre vide de punch, se disaient « Je ne serais pas étonné d'apprendre que ces gens-là sont des fripons. Le vieux, qui se cache et n'apparaît qu'aux équinoxes ou aux solstices, a tout l'air d'un assassin ou d'un banqueroutier. C'est à peu près la même chose. Tuer la fortune d'un homme, c'est quelquefois pire que de le tuer lui-même. Monsieur, j'ai parié 20 louis. Il m'en revient 40. Ma foi, monsieur, il n'en reste que 30 sur le tapis. Eh bien, voyez-vous comme la société est mêlée ici. On n'y peut pas jouer. C'est vrai, mais voilà bientôt 6 mois que nous en avons aperçu l'esprit. Croyez-vous que ce soit un être vivant? Et tout au plus. » Ces derniers mots étaient dits autour de moi par des inconnus qui s'en allèrent au moment où je résumais, dans une dernière pensée, mes réflexions mélangées de noir et de blanc, de vie et de mort. Ma folle imagination, autant que mes yeux, contemplaient tour à tour et la fête, arrivée à son plus haut degré de splendeur, et le sombre tableau des jardins. Je ne sais combien de temps je méditais sur ces deux côtés de la médaille humaine, mais soudain, le rire étouffé d'une jeune femme me réveilla. Je restais stupéfait à l'aspect de l'image qui s'offrit à mes regards. Par un des plus rares caprices de la nature, la pensée en demi-deuil qui se roulait dans ma cervelle en était sortie. Elle se trouvait devant moi, personnifiée, vivante. Elle avait jailli comme Minerve de la tête de Jupiter, grande et forte. Elle avait tout à la fois, 100 ans et 22 ans. Elle était vivante et morte. Échappée de sa chambre, comme un fou de sa loge, le petit vieillard s'était sans doute adroitement coulé derrière une haie de gens attentifs à la voix de Marianina qui finissait la cavatine de Tancred. Il semblait être sorti de dessous terre, poussé par quelque mécanisme de théâtre. Immobile et sombre, il resta pendant un moment à regarder cette fête dont le murmure avait peut-être atteint à ses oreilles. Sa préoccupation, presque somnambulique, était si concentrée sur les choses qu'il se trouvait au milieu du monde sans voir le monde. Il avait surgi sans cérémonie auprès d'une des plus ravissantes femmes de Paris, danseuse élégante et jeune, aux formes délicates, une de ces figures aussi fraîches que l'est celle d'un enfant, blanches et roses, et si frêles, si transparentes, qu'un regard d'homme semble devoir les pénétrer comme les rayons du soleil traversent une glace pure. Ils étaient là, devant moi, tous deux, ensemble, unis et si serrés que l'étranger froissé et la robe de gaz et les guirlandes de fleurs et les cheveux légèrement crêpés et la ceinture flottante. J'avais amené cette jeune femme au bal de Madame de Lanty. Comme elle venait pour la première fois dans cette maison, je lui pardonnais son rire étouffé, mais je lui fis vivement je ne sais quel signe impérieux qui la rendit tout interdite et lui donna du respect pour son voisin. Elle s'assit près de moi. Le vieillard ne voulut pas quitter cette délicieuse créature à laquelle il s'attacha capricieusement avec cette obstination muette et sans cause apparente dont sont susceptibles les gens extrêmement âgés et qui les fait ressembler à des enfants. Pour s'asseoir auprès de la jeune femme, il lui fallut prendre un pliant. Ses moindres mouvements furent empreints de cette lourdeur froide, de cette stupide indécision qui caractérise les gestes d'un paralytique. Il se posa lentement sur son siège avec circonspection et en grommelant quelques paroles inintelligibles. Sa voix cassée ressembla au bruit que fait une pierre en tombant dans un puits. La jeune femme pressa vivement la main comme si elle eût cherché à se garantir d'un précipice et frissonna quand cet homme qu'elle regardait tourna sur elle deux yeux sans chaleur, deux yeux glauques qui ne pouvaient se comparer qu'à de la nacre ternie. « J'ai peur, » me dit-elle en se penchant à mon oreille. « Vous pouvez parler, » répondis-je. « Il entend très difficilement. Vous le connaissez donc ?»« Oui. » Elle s'enhardit alors assez pour examiner pendant un moment cette créature sans nom dans le langage humain, forme sans substance, être sans vie ou vie sans action. Elle était sous le charme de cette craintive curiosité qui pousse les femmes à se procurer des émotions dangereuses, à voir des tigres enchaînés, à regarder des boas en s'effrayant de n'en être séparés que par de faibles barrières. Quoique le petit vieillard eût le dos courbé comme celui d'un journalier, on s'apercevait facilement que sa taille avait dû être ordinaire. Son excessive maigreur, la délicatesse de ses membres, prouvaient que ses proportions étaient toujours restées sveltes. Il portait une culotte de soie noire qui flottait autour de ses cuisses décharnées en décrivant des plis comme une voile abattue. Un anatomiste eut reconnu soudain les symptômes d'une affreuse étisie en voyant les petites jambes qui servaient à soutenir ce corps étrange. Vous eussiez dit de deux os mis en croix sur une tombe. Un sentiment de profonde horreur pour l'homme saisissait le cœur quand une fatale attention vous dévoilait les marques imprimées par la décrépitude à cette casuelle machine. L'inconnu portait un gilet blanc, brodé d'or, à l'ancienne mode, et son linge était d'une blancheur éclatante. Un jabot de dentelle d'Angleterre, assez roux, dont la richesse eût été enviée par une reine, formait des ruches jaunes sur sa poitrine. Mais sur lui, cette dentelle était plutôt un haillon qu'un ornement. Au milieu de ce jabot, un diamant d'une valeur incalculable scintillait comme le soleil. Ce luxe suranné, ce trésor intrinsèque et sans goût, faisait encore mieux ressortir la figure de cet être bizarre. Le cadre était digne du portrait. Ce visage noir était anguleux et creusé dans tous les sens. Le menton était creux, les tempes étaient creuses. Les yeux étaient perdus en de jaunâtres orbites, les os maxillaires rendus saillants par une maigreur indescriptible dessinaient des cavités au milieu de chaque joue. Ces gibbosités, plus ou moins éclairées par les lumières, produisirent des ombres et des reflets curieux qui achevaient d'ôter à ce visage les caractères de la face humaine. Puis les années avaient si fortement collé sur les os la peau jaune et fine de ce visage qu'elle y décrivait partout une multitude de rides ou circulaires comme les replis de l'eau troublée par un caillou que jette un enfant ou étoilée comme une fêlure de vitre, mais toujours profonde et aussi pressée que les feuillets dans la tranche d'un livre. Quelques vieillards nous présentent souvent des portraits plus hideux. Mais ce qui contribuait le plus à donner l'apparence d'une création artificielle au spectre survenu devant nous était le rouge et le blanc dont il reluisait. Les sourcils de son masque recevaient de la lumière, un lustre qui révélait une peinture très bien exécutée. Heureusement, pour la vue attristée de tant de ruines, son crâne cadavéreux était caché sous une perruque blonde dont les boucles innombrables trahissaient une prétention extraordinaire. Du reste, la coquetterie féminine de ce personnage fantasmagorique était assez énergiquement annoncée par les boucles d'or qui pendaient à ses oreilles, par les anneaux dont les admirables pierreries brillaient à ses doigts ossifiés, et par une chaîne de montre qui scintillait comme les chatons d'une rivière au cou d'une femme. Enfin, cette espèce d'idole japonaise conservait sur ses lèvres bleuâtres un rire fixe, et arrêté, un rire implacable et goguenard, comme celui d'une tête de mort. Silencieuse, immobile autant qu'une statue, elle exhalait l'odeur musquée des vieilles robes que les héritiers d'une duchesse exhume de ses tiroirs pendant un inventaire. Si le vieillard tournait les yeux vers l'assemblée, il semblait que les mouvements de ses globes incapables de réfléchir une lueur se fussent accomplis par un artifice imperceptible, et quand les yeux s'arrêtaient, celui qui les examinait finissait par douter qu'ils eussent remué. Voir auprès de ces débris humains une jeune femme dont le cou, les bras et le corsage étaient nus et blancs, dont les formes pleines et verdoyantes de beauté, dont les cheveux bien plantés sur un front d'albâtre inspiraient l'amour, dont les yeux ne recevaient pas mais répandaient la lumière qui était suave, fraîche, et dont les boucles vaporeuses, dont la laine embaumée semblait trop lourde, trop dure, trop puissante pour cette ombre, pour cet homme en poussière. Ah, c'était bien la mort et la vie, ma pensée, une arabesque imaginaire, une chimère hideuse à moitié divinement femelle par le corsage. Il y a pourtant ces mariages-là qui s'accomplissent assez souvent dans le monde, me dis-je. Et sans le cimetière, s'écria la jeune femme épouvantée, qui me pressa comme pour s'assurer de ma protection, et dont les mouvements tumultueux me dirent qu'elle avait grand-peur. « D'une horrible vision, » reprit-elle, « je ne serai restée là plus longtemps. Si je le regarde encore, je croirai que la mort elle-même est venue me chercher. »« Mais vit-il ?» Elle porta la main sur le phénomène avec cette hardiesse que les femmes puisent dans la violence de leurs désirs. Mais une sueur froide sortit de ses pores, car aussitôt qu'elle eut touché le vieillard, elle entendit un cri semblable à celui d'une crécelle. Cette aigre voix, si c'était une voix, s'échappa d'un gosier presque desséché. Puis, à cette clameur, succéda vivement une petite toux d'enfant, convulsive et d'une sonorité particulière. À ce bruit, Marianina, Filippo et Madame de Lanty jetèrent les yeux sur nous, et leurs regards furent comme des éclairs. La jeune femme aurait voulu être au fond de la scène. Elle prit mon bras et m'entraîna vers un boudoir. Hommes et femmes, tout le monde nous fit place. Parvenus au fond des appartements de réception, nous entrâmes dans un petit cabinet demi-circulaire. Ma compagne se jeta sur un divan, palpitant d'effroi, sans savoir où elle était. « Madame, vous êtes folle, lui dis-je. Mais, reprit-elle après un moment de silence pendant lequel je l'admirais, est-ce ma faute ? Pourquoi Madame Lanty laisse-t-elle errer des revenants dans son hôtel ? Allons, répondis, vous imitez les sots, vous prenez un petit vieillard pour un spectre. Taisez-vous, répliqua-t-elle, avec cet air imposant et railleur, toutes les femmes savent si bien prendre quand elles veulent avoir raison. Le joli boudoir, s'écria-t-elle en regardant autour d'elle, le satin bleu fait toujours à merveille en tenture. Est-ce frais ? Ah, le beau tableau ! Ajouta-t-elle en se levant et allant se mettre en face d'une toile magnifiquement encadrée. Nous restâmes pendant un moment dans la contemplation de cette merveille qui semblait due à quelque pinceau surnaturel. Le tableau représentait Adonis, étendu sur une peau de lion. La lampe suspendue au milieu du boudoir et contenue dans un vase d'albâtre illuminait alors cette toile d'une allure douce qui nous permit de saisir toutes les beautés de la peinture. Un être si parfait existe-t-il ? Me demanda-t-elle après avoir examiné, non sans un doux sourire de contentement, la grâce exquise des contours, la pose, la couleur, les cheveux, tout enfin. Il est trop beau pour un homme, ajouta-t-elle, après un examen pareil à celui qu'elle aurait fait d'une rivale. Oh, comme je ressentis alors les atteintes de cette jalousie à laquelle un poète avait essayé vainement de me faire croire. La jalousie des gravures, des tableaux, des statues, où les artistes exagèrent la beauté humaine par suite de la doctrine qui les porte à tout idéaliser. C'est un portrait, lui répondis-je. Il est dû au talent de Vien. Mais ce grand peintre n'a jamais vu l'original, et votre admiration sera moins vive peut-être quand vous saurez que cette académie a été faite après une statue de femme. Mais qui est-ce ? J'hésitais. Je veux le savoir. Ajouta-t-elle vivement. Je crois, lui dis-je, que cet Adonis représente un parent de Madame Lanty. J'eus la douleur de la voir abîmée dans la contemplation de cette figure. Elle s'assit en silence. Je me mis auprès d'elle et lui pris la main sans qu'elle s'en aperçût. oublié pour un portrait. En ce moment, le bruit léger des pas d'une femme, dont la robe frémissait, retentit dans le silence. Nous vîmes entrer la jeune Marianina, plus brillante encore, par son expression d'innocence, que par sa grâce et par sa fraîche toilette. Elle marchait alors lentement et tenait avec un soin maternel, avec une filiale sollicitude, le spectre habillé qui nous avait fait fuir du salon de musique. Elle le conduisit en le regardant, avec une espèce d'inquiétude, posant lentement ses pieds débiles. Tous deux, ils arrivèrent assez péniblement à une porte cachée dans la tenture. Là, Marianina frappa doucement. Aussitôt apparut, comme par magie, un grand homme sec, espèce de génie familier. Avant de confier le vieillard ce gardien mystérieux, la jeune enfant baisa respectueusement le cadavre ambulant. Et sa chaste caresse ne fut pas exempte de cette câlinerie gracieuse dont le secret appartient à quelques femmes privilégiées. « Adio, adio » disait-elle, avec les inflexions les plus jolies de sa jeune voix. Elle ajouta même sur la dernière syllabe une roulade admirablement bien exécutée, et sa voix basse, et comme pour peindre l'effusion de son cœur par une expression poétique, le vieillard, frappé subitement par quelques souvenirs, resta sur le seuil de ce réduit secret. Nous entendîmes alors, grâce à un profond silence, le soupir lourd qui sortit de sa poitrine. Il tira la plus belle des bagues dont ses doigts de squelette étaient chargés et la plaça dans le sein de Marianina. La jeune folle se mit à rire, prit la bague, la glissa par-dessus son gant à l'un de ses doigts et s'élança vivement vers le salon où retentirent à ce moment les préludes d'une contredanse. Elle nous aperçut. « Ah, vous étiez là !» dit-elle en rougissant. Après nous avoir regardés, comme pour nous interroger, elle courut à son danseur, avec l'insouciante pétulance de son âge. « Qu'est-ce que cela veut dire ?» me demanda ma jeune partenaire. « Est-ce son mari ? Je crois rêver. Où suis-je ? » ?»« Vous, répondis-je, vous, madame, qui êtes exaltée et qui comprenant si bien les émotions les plus imperceptibles, savez cultiver dans un cœur d'homme le plus délicat des sentiments, sans le flétrir, sans le briser, dès le premier jour, vous qui avez pitié des peines du cœur et qui, à l'esprit d'une Parisienne, joignez à une âme passionnée, digne de l'Italie ou de l'Espagne, elle dit bien que mon langage était empreint d'une ironie amère. Et alors, sans avoir l'air d'y prendre garde, elle m'interrompit pour dire « Oh, vous le faites à votre goût, singulière tyrannie. Vous voulez que je ne sois pas moi ?»« Oh, je ne veux rien, » m'écriai-je, épouvanté à son attitude sévère. « Au moins, est-il vrai que vous aimez à entendre raconter l'histoire de ces passions énergiques, enfantées dans nos cœurs par les ravissantes femmes du midi ?»« Oui, eh bien, j'irai demain soir chez vous, vers 9 heures, et je vous révélerai ce mystère. »« Non, » répondit-elle d'un air mutin, « je veux l'apprendre sur le champ. Vous ne m'avez pas encore donné le droit de vous obéir quand vous dites « je veux ».»« En ce moment, » répondit-elle avec une coquetterie désespérante, j'ai le plus vif désir de connaître ce secret. Demain, je ne vous écouterai peut-être pas. » Elle sourit et nous nous séparâmes, elle toujours aussi fière, aussi rude, et moi toujours aussi ridicule, en ce moment que toujours. Elle eut l'audace de valser avec un jeune aide-de-camp, et je restai tour à tour. Fâché, boudeur, admirant, aimant, jaloux. « À demain, » me fit-elle, vers 2 heures du matin, quand elle sortit du bal. « Je n'irai pas, » pensais-je, « et je t'abandonne. Tu es plus capricieuse, plus fantasque, 1000 fois peut-être que mon imagination. » Le lendemain, nous étions devant un bon feu, dans un petit salon élégant, assis tous deux, elle sur une causeuse, moi sur des coussins, presque à ses pieds, et mon œil sous le sien. La rue était silencieuse. La lampe jetait une clarté douce. C'était une de ces soirées délicieuses à l'âme, un de ces moments qui ne s'oublient jamais, une de ces heures passées dans la paix et le désir, et dont plus tard, le charme est toujours un sujet de regret, même quand nous nous trouvons plus heureux. Qui peut effacer la vive empreinte des premières sollicitations de l'amour ? «